Suite du débat de Gérard, 1h54, on vient s'écouter. Au début, c'était les mouettes de Boulogne avec la chaise dans les chaussettes. Et là, c'était... Je sais pas, c'est toi qui avais le titre, Gérard. Bah, moi, j'ai la mouette de Boulogne avec de la chiasse dans les chaussettes. Ouais, et là, c'est la deuxième. Mais ça, c'est la suite. C'est les colombes de Neuilly... Avec ce que tu veux autour avec du caca sur les ailes. Okay, donc vous pouvez toujours nous joindre au 0800 75 000 et 0800 30 85 000, toujours Rigo sur l'IRC www.funradio. Ouais, toujours, on va passer des petits bonjours. Voilà, des petits bonjours, Jean de l'IRC, Compi Musique, Big Up, Super Ouragan, Davy One, Jarvis Cooker, Torkane, Ziwi, Oxide, Junkhead et compagnie. Et on va saluer aussi les gens de Coton-Tige. Et ouais. Non, qui s'appelle Coton-Tige. Ouais, bah, c'est bien. Et on va saluer aussi quand même les gens de Belgique. Yankee, pardon. Qui nous écoutent. Donc, on va attaquer le deuxième débat, les moyens de communication. Donc, on va attendre que M. Fildar se réveille. Ça arrive, Gérard. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas de nom à vous annoncer. Donc, ah, si, ça y est, c'est fait. Ok, alors on va accueillir 40 bars, 23 ans d'Angoulême. Bonsoir, Paris, bonsoir, Christophe Coutan. Comment? Non, t'énerve pas, Gérard. Bonsoir. Non, mais quand bonsoir, on dit bonsoir, tu dis bonsoir. D'accord? Bonsoir, oui. Alors, Bénur, 27 ans Paris, on est... non, 21 ans, pas 27, oui. Excuse-moi, 21 ans. Oui, bonsoir GG, bonsoir AD, bonsoir La France. Bonsoir. Bonsoir. On accueille... Pustule, 27 ans de Nice, où qu'on peut écouter Fun Radio sur 107.2. Bonsoir Gérard, bonsoir les gars. Bonsoir Pustule. Bonsoir. Bonsoir la Je parie qu'elle est dans le coup elle aussi. Hein. Ah ouais, Tourniquet, 26 ans Damien. Oui, bonsoir. Mais deux tourniquets Gérard. Non, j'ai un bourriquet et un tourniquet. C'est bourriquet moi. Non, bah attends, pour l'instant, je t'ai pas appelé. Ah, oui. Alors, on dit bonsoir à Tourniquet. Bonsoir, Tourniquet. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bourriquet, maintenant. Oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir. 19 ans d'Orléans. Salut, bonsoir, Fildar. Bonsoir, Hugo. Salut, Bourrico. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bourriquet. Oh, ça y est. Bonsoir à Agathe. Oh on écoute aussi chez elle. Dans son lit, s'il te plaît. Comment? Une nuit dans son lit. Qui? Gaëlle. Non, mais attends, c'est bien de dire des conneries comme ça, hein. Ah, ok. Prout apparente de Versailles, poutre. Ouais. Ouais, salut Gérard, c'est dommage que vous ne m'ayez pas appelé le débat précédent, j'avais des choses marrantes, là ça va être tourette, je vous le dis direct. Okay. C'est pas grave. C'est bon, je peux te lâcher. C'est reconnu. Oh, bah, ça y est, vous vous calmez, merci. On connaît les voix. Non, c'est moi qui commande pour l'instant, c'est pas vous. Non, c'est bon. Ok, alors le débat c'est moyen de communication. Donc, ah, ok. Quel moyen de communication possédez-vous? On va demander à 40 bars. Les hormones. Hein? Les hormones, les papillons, tout ça, voilà. Ah, ça va pour toi, c'est un moyen de communication, les hormones? Ouais, avec les pecs que je lâche, des fois, ça fait fuir mes copains et tout, et ils comprennent tout de suite que j'essaie de communiquer. D'accord, plus tu veux, c'est quand tu veux qu'ils s'en aillent de chez toi, c'est ça? Voilà. Vénure. Ouais, ben moi j'ai la bouche, hein, comme tout le monde, pour communiquer. D'accord. J'ai aussi un portable. Mmh. D'ailleurs, j'ai ton numéro. Ouais. Benur, tu fais gaffe parce que tout à l'heure, C'est pas moi. C'est qui vient de dire qu'il avait mon numéro? Polo. Hein? Jean-Luc. Jean-Luc! Pustule. Oui. Moi, je possède des phéromones, qui sont des hormones sexuelles. Voilà. Ouais, et aussi un téléphone. Pas de marque. Mmh. Comme moi, cochonne. Ton niquet? Moi, j'ai un portable. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, tu sais. Ok, bourriquet. Moi, j'ai un portable, j'ai un tatou, j'ai une CB. Mmh. Et voilà, j'ai du papier, du stylo, et j'ai tout, quoi. D'accord, question. Vite fait, un petit sondage vite fait. Par le biais de quel appareil préférez-vous communiquer? 96% par la bite, 15% par la langue, 45% par portable, 25% par téléphone, 28% par Game Boy et les autres consoles de jeux vidéo. Et prout apparente? Ouais, moi j'ai un pigeon voyageur qui fait caca sur les balcons. Je vois pas. Regarde bien sur ta terrasse. Ouais, bah fais gaffe, toi, parce que tu pourras peut-être dégager avant la fin du débat. C'est bien possible. On ne dégage jamais, lui. Ouais, non, mais c'est ce qu'on verra. Parce que c'est pas lui qui commande, ça sera moi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Quel moyen de communication possédez-vous? Ben, moi, j'ai simplement un portable. Qu'est-ce que t'as, toi, Gérard? Moi, j'ai un simplement portable. Un tatou, ça me suffit largement. Non, t'as un portable. Ouais, ben, un Les hémorroïdes. Le portable et le tatou, voilà, c'est tout. Et quand même, Gérard, tous les gens de l'IRC reconnaissent qu'ils utilisent Internet pour communiquer. Oui, mais ça, justement... Internet. Voilà. Donc, pensez-vous que l'Internet a beaucoup changé de nos jours? On va demander à 40 bars. Comme dit Tony, pourquoi moi? Alors, 40 bars... Non, mais ouais, Internet, bien sûr que ça m'a changé ma vie, ouais. Bien sûr, je fais mes courses par Internet. Plein de trucs par Internet, bien sûr, c'est génial, Internet, c'est un bon Internet. Merci, Internet. Non, mais attends, parce que tu vois, là, ce que tu dis, de faire ses courses par Internet... Ouais. Moi, je vais te dire une chose, hier, ils m'ont appelé pour ça, et j'avais vu... J'avais vu le reportage là-dessus, comme quoi que tu pouvais acheter des vaches et tout ça par le site, par le moyen de l'Internet. Attends, toi, qui c'est qui vient de sortir ça? Je sais pas, on va chercher. C'est bon, continue, j'irai. Continue. Ben Hur. Non, mais continue ce que t'es en train de dire, GG, c'est ce que t'avais à la télé. Non, parce qu'on parle de l'Internet, donc c'est vrai que tu peux acheter beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu peux acheter, par exemple, sur Internet? Bah, tu peux faire tes courses, tu peux acheter des vaches, des bagnoles, un appartement, tout ce que tu peux trouver. Avant tout, carrément. Bah, ce que t'as besoin dessus. D'accord, donc si tu veux, tu passes une annonce, tu tapotes là, ouais, voilà, je cherche une vache de 40 des années 80 d'occasion. Même des CD, hein, je pense que tu peux trouver ça par le bien de l'Internet, hein, maintenant. Ah, carrément. Et puis des Ricky Martin. Ben Hur. C'est Ben Hur, et je voulais dire que, comme on dit, ouais, ça a bien changé. Hein. C'est plus ce que c'était à l'époque. Au bon vieux temps, on faisait des Pac-Man, maintenant c'est Internet, c'est autre chose. Mais non, mais pour toi, et je pense que toi, t'en es resté quand même un peu à l'époque du Pac-Man, en général, quand même. Paris. N'importe quoi, toi. Quand même. Pustule. Ouais, moi, j'ai pas Internet, je suis pas in. Par contre, j'ai une console Sega. Merci pour le Larsen. Merci pour le son. Tourniquet. Ouais, ben moi, j'ai Internet, et depuis le temps que je l'ai, ben, je bouge plus de chez moi. Mais tu peux préciser? Bah oui, je fais mes courses, au lieu d'aller au supermarché, je vais sur Internet. Je veux des cigarettes, je vais sur Internet. Je veux tout ce que je veux, je prends sur Internet et je bouge plus de chez moi. Une bite. Tu prends ton pied sur Internet aussi, non? Ça dépend avec qui, ouais. En général, ouais, parce que je loue les services. Ton kit de Rigo, ouais, de Rigo. Tu prends ton kit? Oh, Rigo, il s'en fait pas mal, hein, le Rigo, là. Ça y est, bon, bourriquet. Sacré scratcheur. On ne touche pas que des boutons. Hein. Te cache pas derrière ton écran. Bourriquet. Oui, bonsoir à tous. Oui, donc, faut dire, ouais, c'est vrai, ça a bien changé l'Internet. Moi, je me souviens encore du temps où ça s'appelait Intermarché. J'ai eu quelqu'un de faire mes courses et puis j'ai dragué la caissière. Bourriquet. Bourriquet, attendez, Bourriquet. Ouais. T'as bien compris le sens de la question? Ah bah ouais, aussi bien que toi. Non, mais je crois pas, hein. Ok. Parce que ça, t'avais qu'à écouter ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Prout apparente. Bon, alors qui c'est qui a un portable et qui s'amuse avec de la flotte depuis tout à l'heure? Ouais, parce que ça me donne envie de pisser. Fais-moi, je suis dans ma main, je veux faire un jardin secret. Eh, hey, ça commence à bien faire, vos conneries, maintenant. Je vais me masser le dos, là. Ah, il y en a un qui a coupé. Manu. Non. Donc, prout apparente. Je kiffe aussi les boom blasters qui ont... quand tu baisses les basses, c'est un son pourri. Et quand tu montes, c'est carrément une discothèque. N'importe quoi. Oh là là, il y a des portables. C'est pas moi qui ai pris les auditeurs. Gérard, moi je comprends rien à ce qui se passe. Pour en revenir au débat et à Internet, il y a Delight qui dit que Internet, ça a bien changé. Il y a même des blaireaux comme toi qui savent ce que c'est. Bah, si je suis un blaireau, bah lui, pourquoi il s'amuse à tapoter pour avoir des notes astronomiques? Parce qu'il n'y a pas que l'Internet qui fonctionne aussi de nos jours, hein, qui peut changer. Il y a aussi le bien du Minitel, mais ça coûte plus cher que l'Internet, je crois. Pourquoi? Donc, le Minitel, ça coûte cher, et l'Internet, c'est pareil, ça doit coûter aussi cher, parce que déjà, faut que tu t'abonnes là-dessus. C'est faux. Non? C'est faux. Non, ça m'étonnerait. C'est faux. Ça m'étonnerait, moi, je te dis. T'as cherché dans le dico ce que ça veut dire Internet ou pas? Non. Pourquoi? Non, parce que j'ai pas pensé à regarder. Et Internet, et voilà. Internet, ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, t'as pas de... Celui qui me dit abrège, il va se calmer. Bon, Pildar, tu vas commencer par te calmer parce que tu m'as trouvé des auditeurs qui sont nazes. Attends, tu crois que c'est facile en 5 minutes de trouver des gens potables? Gérard, d'ailleurs, il y a Bourriquet qui est parti. Ouais. Et on accueille... Je pue de l'arrêt. Ouais, bonsoir. Ça, c'est l'invité mystère. Donc, si je pue de l'arrêt à la place de Bourriquet. Appelle l'invité mystère. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Salut à Tulip. Salut. Ouais. Salut. Donc, alors, je te répète la question. D'accord. Pensez-vous que l'Internet a changé beaucoup de nos jours? Ouais, c'est vrai que ça a pas mal. Ça a pas mal. Oh, mais c'est quoi le bordel là? Regardez, tu vas te prendre une bouffe, hein. À propos d'internet. Chocolat, banane. À propos d'internet, il y a, s'il vous plaît, il y a Ouragan sur l'IRC. Qui dit que le meilleur moyen de communiquer maintenant, c'est oui, tout à fait, c'est le site ggtrouvemoilecul.com. N'importe quoi, ce con. Alors, je veux plus d'arrêt, donc pour toi. Ça a pas mal évolué. J'ai déjà cliqué sur Mulot hier soir. J'ai été d'ailleurs sur ton site de www.tantousdesurenne.fr. Alors, je veux plus de l'arrêt, tu tous à ton merde, tu dégages. Allez, hop, dégage. Voilà, comme ça, ça va être vite fait, je veux plus de l'arrêt. Hein. C'est un nouveau celui-là. Tu me disais bien que tu pouvais de l'arrêt. C'est un nouveau celui-là, c'est un habitué. Ouais. Merci pour les Larsen encore. Possédez-vous un portable, un tatou pour votre travail? On va demander à 40 barres. Non, ni l'un ni l'autre, et j'aimerais bien que tu m'en offres un jour. Non, bah, soit tu fais comme tu viens de faire. Tu demandes à ta pelle quand il y a la possibilité d'en gagner, tu téléphones, tu fais le 0870-5000 et... Non, bah tu t'as qu'à regarder Fun TV, il y en a gagné cette semaine. Voilà. Donc, pour toi... Voilà, catop. Il commence à me coincer les couilles, cette espèce de petit con, là. C'est au standard, Manu. Et alors, Bénur. Voilà, catop. C'est le gamin de quel habitué, là. Bénur. Oui, je suis là. Non, mais il a raison, le gamin. Bénur, tu réponds correctement, tu dégages. Ouais, ben je voulais te dire que j'ai un portable et si tu veux le numéro pour marteler la SCAR, tu peux toujours rêver. Ben toi aussi, tu peux rêver. Mais je t'ai rien demandé. Non, bah alors, tant mieux. Mais tu peux me le filer quand même. Hein. Non, bah là, tu iras te faire sodomiser. Gérard, j'ai calmé, j'ai plus de l'arrêt. Non, je te dis de le dégager, j'en veux plus. Mais il est calme, non. Non, non, mais moi, je veux plus le savoir, moi. Quand je te dis de virer la personne, tu la vires. C'est pas la peine de la calmer, tu le vires. C'est tout. Ça va vite avec moi. Il est propre, il sent bon de l'arrêt maintenant. Alors, Pustule. Ouais. Moi, j'ai ni tatou ni portable, mais je veux bien le numéro de portable de Manu. 0143. T'as rien, non? Bon! 92, 99. 92, c'est bon, là, Manu? Tu peux me gérer, là? Il y en a deux, là, qui sont en train de s'échanger des numéros. Ah, oh, mince. À l'antenne, merde, Manu. C'est nul. Mal, hein. C'est nul. C'est naze. 01. Wow! 43. Ah, putain. Voilà. Je suis là, hein. Tourniquet. Oui. Oui, ben moi je m'en sers énormément parce que en fait je suis commerciale. Et en fait donc je vends des portables. Ouais. Et je m'en sers énormément parce que j'ai de la clientèle qui m'appelle régulièrement pour justement acheter des portables. Bon, attends, parce que là ça commence. C'est lui qui est dans sa baignoire. C'est qui là qui est dans sa baignoire? C'est moi. Qui? Moi, c'est Poutre Apparente. Ah, mais attends, je voulais dire une chose, que peut-être que Poutre Apparente il est dans sa baignoire, mais lui au moins il se lave quoi. Attends, moi je t'en viens, d'accord? Alors, c'est qui? C'était Pépito. Eh putain, mais Manu. Manu, je sais pas par où il passe, je sais pas ce que Fidar a sélectionné. Prout apparente, tu réponds à la question et je sens qu'on va poser une question, on va mettre un disque et on va changer d'auditeur. Ah, carrément. À la place de je sais plus, je suis plus de l'arrêt, on accueille Viens dans mon trou. Non, putain, mais c'est quoi? Notre famille. Bonsoir à tous, c'est un roman. Salut. Bonsoir. Bon, Prout apparente. Ouais, répète-la, s'il te plaît. Prout apparente. Répète la question. Non, attends, tu fous de ma gueule ou quoi, là? Pour calmer le débat, Manu, sur IRC, il y a Arnaud qui te demande de le rappeler. Okay. Non, dès que j'ai une ligne. Ouais, dès que tu viens, le nouveau qui vient d'arriver, là. Alors, Prout apparente. Ouais, je te copie, pas un habitué, lui. Ouais, non, mais répète-la moi, parce que j'étais au standard, s'il te plaît. Ouais. Je faisais du Larsen, c'est vrai en plus. Possédez-vous un portable ou un tatou pour votre travail? Non. Je travaille pas, je suis au chômage. D'accord. J'ai des émergements, arrête. Viens dans mon trou. Faut pas trop le dire, parce que je suis dans l'arbalète, comme ça. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Allô? Pas tous en même temps, merci. Ouais, viens dans mon trou. Ouais, moi j'ai un portable, j'ai un tatou, et j'ai deux pots de yaourt avec une ficelle. D'accord. Celui qui s'amuse à faire du mort s'arrête. Pourtant, ouais. C'est le débat. Attends. Celui qui fait du mort, arrête. Attends, j'essaye de faire un copie, là. Ah. Ouais, non. Grosse merde. Ta femme, elle pue, là. Bon, alors, Allez, hop. Ça y est. Le disque. Le disque. Ouais. Bah, pose la question, moi, Gérard. Non, mais de toute manière, on va changer, parce que là, ça va pas être... Tu peux poser... On va changer tout le monde. Ouais, tu peux poser la question pour les futurs auditeurs qui écoutent déjà la question de chez eux. Alors, pensez-vous que le phoque est un meilleur moyen de communication que le morse? Ah, bah, tu vois, on y revient. Et on se retrouve juste après. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0800 308 5000 et 0800 70 5000. Et toujours, et, Rigo qui vous attend sur l'IRC www.funradio. Et on s'écoute un petit cadeau, un petit bonsoir. Remix. Donc, bonsoir, Rigo sur Internet. Et voilà, donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0. Et qui c'est qui s'amuse avec ça, là, depuis tout à l'heure? Manu. Y a personne on air au standard. Si. C'est non, bizarre, attends, c'est bizarre. Là, ça s'arrête, là. Ouais, comme par hasard, Manu. Ouais. Donc, qui c'est qui répond déjà, là? Je dis, il était pourri, le remix. Alors, si t'es pas content, tu restes chez toi, toi. C'est Jean-Luc. Ouais, bah, Jean-Luc. Alors, tu dégages, tu peux rester chez toi, ça me perd des vacances. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0800-308-5000 et 0800-70-5000 et toujours. Je te copie. Fun, www.funradio.fr, ce point .fr, Fun Radio sur le IRC, donc Rigo vous attend. Allez, vous fermez vos gueules là ou quoi, Gérard, à propos de ta question, il y a quelqu'un qui répondait tout à l'heure à ta question, tu vas la reposer peut-être pour les gens qui n'ont pas entendu. Laquelle? Que pensez-vous que le phoc est un meilleur moyen de communication que le morse? Alors, celui qui s'amuse à ça, comment ça... Justement, il y a un panel sur l'IRC qui me demande la différence entre l'invité mystère et un phoc. Il me dit qu'il y en a un qui a des moustaches qui sent le poisson et qui est énorme, et l'autre c'est un mammifère marin. Non, ça c'est les auditeurs, genre. Bon, Manu, t'essayes de me trouver qui c'est qui s'amuse à ça. Ça y est, j'ai trouvé, je vais aller le kicker en live tout à l'heure. Il y a l'un des deux qui s'est joué au jongler avec un ballon aussi. Ouais. J'avais oublié, j'ai un petit truc à vous dire. Là, il y a sur la première question, quel moyen de communication possédez-vous? Donc, il y a 40% des Français qui en veulent pas chez eux. 20% de Français ne savent pas ce que c'est. 18% des Français n'ont pas compris la question et 15% des Français aiment le commus clinique. Alors ça, je vois pas du tout. Commu clinique. Alors on récupère 40 bars. Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir. Morose. Bonsoir, machin. Vous fermez vos gueules. Et pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ouros. Ouros, il s'appelle. Ouais, c'est Ouros. Ouais. C'est Yougoslave. Ouros. Ouros. Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir. C'est un nom pédé, ça. Tomate. Ouais, mais parlez plus fort devant le combiné quand parlez pas tous en même temps, surtout parce qu'on n'y comprend rien sinon. Alors Tomate. Salut Gérard. Salut Luciole. Salut Gérard. Salut. Blanchis-moi la la caverne. Salut Gérard. Salut. Et je pue la pisse. Ouais, je sais, c'est moi. Non, c'est toi. Je ne sais pas lire, pardon. Ouais. Je n'ai pas compris, il y a que moi qui ai un nom normal, quoi. Ouais. À part des noms des autres qui prennent des noms de non, allez, vous êtes habitués, reprenez vos noms, merde. Non, mais attends, Gérard. Ouais, je te copie. Roger. Ouais, Bréco, t'as taillé. Oh, ouais, tu t'es appuyé un peu, là, toi. Plaque de verre gras. Tu veux du verre gras à 300 mètres. Ouais. S'il vous plaît, vous gérez un peu, là. Manu, tu gères un petit peu, là. Pose ta question et on enchaîne. Eh, mais merde, tu vas... je vais pas la répéter 50 fois, tu vas calmer tes... Demande aux gens un par un, alors. Alors, 40 bars. Oui, merde. Au début, ouais, avant que je le quittais. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est que ce salope, là? Tu sais ce qu'il a dit? Je te jure, je sais pas. Il fait des porte-monnaie. Tu sais ce qu'il aime bien? Non. 40 bars. Oui, tu peux répéter parce qu'il y a que le j'ai pas entendu. Oh là là, mais vous commencez à me les casser à 2h14, là, hein. Alors, pensez-vous que l'époque est un meilleur moyen de communication que le morse? Bah, ouais. Et ah, celui qui s'amuse à ça, arrête! Manu! Je vois pas la lumière verte. Bon, Gérard, pour revenir au débat, il y a D-Light qui dit qu'on utilise le morse parce que le phoque est en voie de disparition et qu'on n'a plus le droit de l'utiliser. Ah, ouais, je pense, ouais. Non, pas. Ouais, je suis d'accord, ouais. 40 bars, toi? Je vais dire, ouais, encore. D'accord, bah, encore 40 bars, ça va être. Sur manque d'inspiration, j'ai ce soir, là. Je sais pas ce que. Ouais, bah, dans ces cas-là, si t'es malade, tu dégages. Mais non, ça va bien. T'as qu'à teaser comme moi, drogue-toi. Orose! Ouais, c'est Orose. Ben, je voulais dire, tu parles des phoques, je crois qu'on devrait appeler Brigitte Bardot, il y a que ça à faire, parce que les phoques, comme on l'a déjà dit, c'est une espèce protégée. Mmh. Et je pense que l'armée, parce que c'est l'armée qui utilise le morse et le phoque, devrait pas se servir de ce genre de choses, et je voulais savoir si toi, c'est vrai que t'étais spécialiste, non pas en phoque, mais en phoque. Non, pas du tout. D'accord. Une question IRC avant oui, sur IRC, il y a Super Ouragan qui m'explique qu'on utilise le morse parce que le teckel est trop lourd à porter. N'importe quoi, lui. Tomate. Mais ils montent sur moi. Fildar, fais gaffe, mais c'est pas moi. Fais gaffe, Fildar. Fais gaffe, pas toi, Fildar. La DAP, merde. Tomate. Je sais pas, qu'il dit que c'est ses amis qu'à lui, il faut pas que je téléphonasse ses amis, tout pas. Au début, c'est... Hey, ça commence à bien faire. Qu'est-ce qu'il aime bien? Non. J'ai coupé. Tomate. Voilà, je sens que la conclusion elle va se faire vite fait. Non, non, tomate. Gérard, parle bien dans ton micro aussi. Si tomate. Oui, je te réponds, regarde. On utilise le morph parce que ils arrivent mieux à voler que les pigeons voyageurs. Non mais ça, je vois. Non mais le morph c'était un moyen de communication avant. Oui, mais le pigeon voyageur aussi, mais les morphs arrivent moins bien à voler que les pigeons. Donc. Ouais, mais le morph il est quand même long. Il était quand même long à. Ouais, on voyait, hein. Il nage vite. Mmh. Okay. Il nage vite, hein, non ? Luciole. Ouais, en fait, le phoque comme le morph, c'est quand même assez dépassé comme moyen de communication maintenant. Bah maintenant, ça n'existe plus aussi, non ? Je crois que ça n'existe plus. Si, ça existe encore dans certaines postes. Mmh. Et non, mais maintenant, il y a des moyens beaucoup plus adaptés, comme le courrier, par exemple. Mmh. C'est toi qui mets des tampons. Bon, ça y est. Technique et je les mets avec les dents. Blanchis-moi la caverne. Ouais, moi je voulais dire que j'étais pédé comme un phoque et il y avait ma grosse bite qui s'amorce. Oh là là. N'importe quoi. Ça fait pas mal ça. Ouais. Je sais. Ça peut faire du genre au casse. Ben, je ne sais pas. Moi, c'est tout. Je ne sais pas lire. Ah ouais. Non, le morse je maîtrise pas trop. Gérard, ouais. Le fait blanchis-moi la caverne, je veux savoir si t'es... Ah, j'ai entendu parler, toi t'es un rigolo, toi. Vas-y. Je veux savoir si t'avais déjà utilisé les Toki Whisky. Les Toki Whisky. Les Toki Whisky. Zéro, allez, viens-le, reprends un verre. Mais vous fermez vos gueules un peu maintenant. On est en net, merde. Je ne sais pas lire. Mais il montait sur moi. Ouais, non. Le morceau, franchement, je t'ai dit que je maîtrisais pas. Je préférais le... Enfin, ouais, comme disait la jeune fille. Mais fil d'art. Ils me font rire, les auditeurs, Gérard, j'y peux rien. Fais gaffe, parce que tu vas prendre une télécommande. La télécommande de la télé, on en a besoin. Bon, Manu, je te préviens. Ouais. Putain, c'est bon, c'est le connard, là, au deuxième débat. Parce que c'est pas possible de travailler comme ça. Ça marche. Mais toi, t'arrêtes de balancer n'importe quoi. Arrêtez, là, le débat, c'est bien, là. Hé, dégage. On aime ton cul, Jean. Non. C'est toi qui fais des conneries. Mais non. C'est vraiment une merde. Toi, t'es un branleur pas possible, hein. 4% de mes couilles. C'est bon. Allez, on parle de tes 4%, ça m'étonne pas que t'es aussi con. Bon, Gérard. Bon, allez, vous fermez le vagin maintenant. Gérard, pour revenir au débat, on me demande si tu préfères le morse ou le fist fuck. Je vois pas du tout le rapport. Vas-y. Attends, Gérard, il est debout. Il a lancé quelque chose contre Fildar. Dégage. Et qu'est-ce que je fais, moi, Gérard, là? Rigo, faut que tu viennes m'aider, là. Ouais, je vais au standard. Tout le monde à la DAP, là. Viens m'aider. Bon, je veux juste dire aux gens de l'IRC que je vais au standard, vu qu'il n'y a plus Fildar à l'arrière, faut que Manu y aille. Alors, donc, pour la question sur le morceau... Oh là là là là là là là là, ça commence à m'énerver cette histoire. Le roi des cons. Bon, Manu, tu vois, là, il y a des trucs qui vont pas. Bah attends, je viens d'arriver, je regarde. Non, m'excuse. Non, toi, tu vas dégager. Non, tu vas là, je veux plus te voir. Je veux pas te voir à l'arrière, tu vas y au standard. Non, je te promets, Gérard. Je te promets, Gérard, j'arrête. Non, c'est je te préviens, fais gaffe. Non, j'arrête, promis. Fais gaffe. Ouais, je fais gaffe. Gérard, c'est lui qui décide, hein. Je fais gaffe. Alors, tu vas au standard. Non, parce que je connais pas les auditeurs, j'aime pas. Ouais, mais t'aimes pas, tu voudrais peut-être faire ton boulot correctement. Parce que tu commences à faire chier ton monde, toi, aujourd'hui, hein. Alors. Oh non. Bon, Manu, Manu, je vais essayer de gérer. C'est quand même. Non. C'est toi qui fais des conneries. C'est moi, je fais mon possible. Ouais, mais il peut les calmer quand même. Alors. Bon. Pour la cinquième question, Jésus J.S. utilisait-il encore des pigeons voyageurs pour communiquer ? Jésus ? Putain ! Ils vont se calmer, ces bandes de cons ! Eh oh, tu te calmes, Goliath, s'il te plaît, mon Goliath. Reste poli, là. Mais si vous êtes pas content, vous raccrochez vos téléphones, on prend d'autres personnes. Mais tu nous parles sur un autre ton ? Ouais, bah si je veux, d'accord. Il va se calmer, l'hydrocéphale. Comment il va ? Le bulbe rachidien. Bon, T'écoutes le trison. C'est bon. Alors, 40 barres. Oui, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Alors, JS, utilisait-il encore... Qui ? JS. Non, non, c'est pas JS. Oh là là. Non, mais vous êtes lourd ce soir. JS utilisait-il quoi? Des pigeons voyageurs pour communiquer. Bien sûr, et même c'était dans la Bible et tout. Il... Ah, c'était beau, c'était. Oui. D'accord. Orange. Oui, oh là là, tu sais qu'il s'amuse à faire ça là. Mais c'est la DAT, putain, c'est ça. Ouais, c'est Orange. Ouais. Ouais, je voulais dire que JS, le KGB, la CIA, tout le monde utilise des pigeons voyageurs. Et salut. D'accord. Tomate. Ouais, il utilisait les pigeons voyageurs, et en fait, quand il en recevait, bah, il les bouffait. Mmh. Il m'a volé Baldi dans mon porte-monnaie. si ça vous fait rire, moi ça me fait pas rire, parce que celui qui s'amuse à ça, il m'a dégagé, je vais pas chercher qui c'est maintenant. Oh là là, Luciole. Ouais, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, fais gaffe, toi, le connard, à ce que tu dis, toi. Ouais. Alors, JS, utilisait-il encore des pigeons voyageurs pour communiquer? Oui, mais c'est qui, JS? À votre avis? Je sais pas, je te demande. C'est pas le gars dans Dallas? Non. Oh là là. John Soros. Mais non, mais dis-leur qui c'est, parce qu'il croit, il capte pas. Je sais, j'écris, on voulait pas le dire, espèce de con, Manu aussi. Tu commences à faire ses commandes, toi. Il capte pas, les auditeurs, faut bien leur expliquer. Alors voilà, Luciole, maintenant. Oh là là là là là là là. Oh là là. Là, vous avez fermé vos gueules quand les gens y parlent, maintenant. Tu vois, pour une fois que c'est pas moi. Luciole. Ouais, bah on fait pas de religion à la radio, Gérard. Là, c'est n'importe quoi. Là, je crois, de cette manière, ça va être la page, j'arrête à la 5. Non, non, non, mais là, il faut mettre Manu. Ça y est, c'est bon. Non, mais le standard... Non, non, mais attends, pour l'instant, tu les calmes, hein. Ça y est. Ouais, bah tu les calmes, tu vas voir. Écoute, tu vas voir. Luciole. J'ai dit, bah, te laver les fesses, tu pues. Oh là là. Non, mais Gérard, sur IRC, ils trouvent ton débat tellement nul qu'ils se demandent si t'es le vrai Gérard. Non mais attends, si ça leur plaît pas, dans ces cas-là, ils arrêtent, ils se demandent, ils en prennent après Manu et Pilar qui font les cons. Alors Luciole, tu réponds maintenant? J'ai dit, va te laver les fesses, tu peux. Bon alors... Dégagez. Terminé pour celle-là, ça va vite fait moi, hein, maintenant. Ça y est. Alors blanchis-moi la caverne. J'ai dit, va te laver les fesses, tu peux. Attends Manu, tu gères là. J'ai plus personne à mère. Attends, c'est pas n'importe quoi que ouais, tu dis, hein. Ouais. Ah. Blanchis-moi la caverne. Ouais. Pas maintenant, j'ai pas de temps. Mais quoi, il s'est fait rebouquer. Allô. Ah, il est là. Ouais. Ouais. Donc c'est pour toi. Attends, j'entendais pas parce que j'étais pas sur l'antenne. Putain, mais vous avez décidé de me faire chier ou quoi aujourd'hui là? Bah, tu peux me répéter s'il te plaît. Alors Jésus-Christ utilisait-il encore les pigeons voyageurs pour communiquer pour la 16e fois la question que je répète? Ouais, c'est fort possible. Ouais, je pense que ouais, ça doit être écrit dans la Bible et puis tout ça c'est. Ça, c'est de la religion, ouais, je pense que c'est possible. D'accord. Je ne sais pas lire. En fait, ces animaux-là, c'est indomptable, parce que c'est pas comme les chiens, ils donnent papa, tout ça. Tu leur dis d'aller porter un message à ta dulcinée, et ce qu'ils font, c'est qu'ils pécorent des grains de pain, et ils t'écoutent pas, ces animaux-là. Non, mais attends, de manière... Les pigeons... Bon, attends, n'importe quoi, les pigeons voyageurs, de toute manière, ça existait. Ça, jamais, ça délivrait les messages. Si. Non, attends, faut pas déconner. Mais attends, c'est ce que je dis. J'ai essayé d'en dresser quelques-uns, j'ai jamais réussi. Si je leur attachais des trucs à la patte, des bagues, des bagues avec des messages, oui, j'ai envie de te baiser comme une chienne, tout ça. Des fois, on m'avait coupé le portable, en fait. Et j'envoyais le pigeon comme ça, et jamais il y allait. D'accord. J'ai eu des problèmes, je me suis... Non, mais ça y est, on a compris. Je me suis retrouvé avec une grosse... Ça y est, on a compris. Oui, Gérard, sur IRC, il y a Super Ouragan, il te demande comment tu fais pour envoyer les pigeons voyageurs assez loin. Avec une bague. T'arrives à lancer les pigeons avec une bague. Non, mais les pigeons voyageurs, tu l'envoies à 2000 km, comment tu fais? Ils s'envolent, ils prennent leurs ailes et puis ils volent. Hein. Oula, j'ai perdu 1000 personnes là, d'un coup, ils m'ont dit que c'était à cause de Manu. Voilà, bravo. Non, c'est à cause de Christine. Bravo Manu. Donc, c'est quoi comme... On va s'écouter un disque. Tu poses la question, Gérard, le temps que je te donne. Alors, pour celui-là, tu me le vires. Tu le vires, même. Je le trouve et je le vire. Non, non, mais tu vois, ça va aller vite, là. Alors, pour... Rigaud. Non. Ouais. Rigaud, pendant que... Pose une question Internet pendant que je note le disque. Alors, peut-on dire que GG est transgénique mi-pigeon, mi-phoque? C'est quoi, ça? Je sais pas. C'est Citrouille qui demande ça. Et il y a Jarvis Cooker qui demande si on peut attraper des maladies, Viagra ou autre, en communiquant. Ouais, ça, c'est plus le débat sur les maladies. Qui c'est qui s'amuse avec cette musique de là? Sinon, il y a Yankee qui me dit qu'on utilise le morse maintenant parce que les phoques font de la radio. Non, mais je vois pas du tout le rapport. Donc, la sixième question. Pour draguer, vous servez-vous de votre regard comme moyen de communication? Et on va, et vous pouvez toujours nous appeler au 0870 5000, 0803 08 5000, et toujours Rigo qui vous attend sur le site www. Ouais, j'arrête pas d'attendre hein, depuis. Point Fun Radio, et on s'écoute Riri, Fifi, Loulou avec Moi c'est mieux, avec du couscous. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat et la fin. Les débats. Pas de radio, mais pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc vous êtes toujours sur Fun Radio. C'est la suite du débat sur les communications, moyens de communication. Et on vient de s'écouter Ricky, Fufi, Loulou avec ses Moi c'est mieux avec du couscous. Donc en parlant de couscous, on va être bien servi parce qu'il y a justement. Ah, il y en a quelqu'un qui a amené du couscous. Non, non, mais on a un auditeur qui s'appelle Couscous et oui. Qu'on avait eu depuis longtemps. Donc on récupère. Il y a Couscous qui est là. 40 bars, bonsoir. Oui, bonsoir. Gérard, oui. Est-ce que tu me permets pour une fois d'être gentil? Mmh. Je voudrais dire bonsoir à ma petite amie Jessica. Bonsoir Paris, bonsoir Jessica. Voilà, ok. Ah ouais, t'as pas de petite amie. Si, bon, là, ça y est, là, vous allez pas recommencer pour la fin. Oui, oui. Ok. Ou Rose. Ouais, je suis dans la place et je voudrais dire bonsoir à ma main droite. Ok, Tomate. Bonsoir à tous. Ah non, Tomate. À la main droite. Carotte. Salut. Couscous. Ah, bonsoir. Couscous. Ouais. Ouais. Ouais. Bonsoir, Abdelwahid. Ok, c'est bon, Couscous. Mais pas marqué que les autres habitués, on voulait pas, là, ce mec, là. Oh, on se calme, s'il vous plaît, hein, maintenant. Et bonsoir à tous les terroristes qui m'écoutent. Ah, non. Mais ta gueule toi-même, toi, connard. Oh là là. Et mon doigt. J'aime pas Couscous. Mon doigt sans le caca. Allez, ouais. Va sans le caca. Ouais, ouais, pour terminer. Ouais, bah ouais. Alors. Bon, ça y est, là, oui. On va commencer, on va finir le débat maintenant. Non, non, ils sont cool. Hein, ils alors, sont cool. Pour draguer, vous servez-vous de votre regard comme moyen de communication? On va demander à 40 bars. Ouais, pour comment encore? Ouais, tout à fait, ouais. Énormément, ouais. Mmh. La persuasion, et en plus. Attends, bouge pas, je change de côté la cassette. Non, mais attends, si t'enregistres en même temps. Tout ça, c'est des trucs à moi, ça. Ouais, c'est pour lui après. En plus, je suis serveur, donc ça aide. D'accord. Et je me fais plein de nanas, mais là, depuis quelques temps, je me suis calmé, je suis avec une super fille, et je l'embrasse très fort. Voilà. Ok, d'accord. Je t'aime. Ah là là. Attends, il passe ses messages perso, c'est quoi ça? Il est amoureux. Elisabeth Guigou. Bon, 40 bars, c'est bon, tu nous écoutes. C'est bon pour 40 bars, hein? Tu me fais vibrer, Elisabeth. Ouros. Ouais, bah écoute, moi j'ai un petit problème dans la vie, c'est que j'ai un regard de tueur, donc bon, je suis un peu obligé de mettre des lunettes de soleil parce que sinon les filles, je les fusille, je regarde. Oh, vous arrêtez de vous marrer là? Vas-y. Oh là là! Ouais. Je sens que ça va se terminer vite fait, Manu, avec toi. C'est pas possible que ça vienne de moi, je les ai presque sans jouer. Vas-y, c'est bon. C'est quoi, Tomate! C'est quoi la voix de Moby Dick, là, c'est quoi? Tomate. Moi, j'ai un petit appareil dont je tairai le nom, qui, en fait, envoie des messages à quelqu'un qui a le même appareil. Donc, si j'ai envie de... Si je croise quelqu'un dans la rue et que j'appuie sur un bouton, ça sonne sur son appareil. Ouais, c'est le nouveau truc, Gérard. T'as vu à la télé? C'est le truc pour les amoureux, là. Non. Des espèces de beepers. Ah, ouais, mais... Les fuck lovers, là, les fuck lovers. Ouais. J'ai vaguement vu ça, ouais. Carotte. Bah moi j'ai des sales yeux donc je me sers pas du regard pour draguer. Sors du cul. D'ailleurs je drague pas et puis on me drague jamais parce que je suis moche, on me compare toujours à Sandy donc tu vois ça m'arrange pas. Alors Carotte, tu vois, tu viens de dire un nom qu'il fallait pas donc tu peux retourner chez toi, c'est terminé pour toi. Au revoir. Ça y est. Salut. Couscous. Putain, ils sont chiants ou pas là? Couscous, on t'écoute. Pas de marque. Ouais, moi, on m'appelle la classe, Nikos. Moi, quand je les regarde, c'est méchant, c'est terroriste. D'accord. Et mets-moi le doigt dans le caca, là. Non, moi, je suis borgne. Tu peux quand même répondre à la question ou pas? J'ai qu'un œil, donc ça le fait pas, tu vois. Bon, d'accord. Sans manquer de respect, faut pas se moquer des aveugles. Ouais, entre parenthèses, voilà. Super Montagnier, si tu nous regardes. Oh, c'est bon, là, on se calme. Ouais, Non, il n'y a personne à la place de Carotte. Il n'y a personne. Ah, attends, je vais. Tu vas te manier maintenant. Remplacer ta Carotte. Alors, question IRC. Appelle le secrétaire. On se calme là. Elle t'a quel mystère, il t'emmerde. Quel mystère. Ok. Alors, Rigaune, question IRC. Alors, question de hâte. Les pigeons, ouais, mais voilà, ils parlent des pigeons voyageurs parce qu'il y a un délai avec Internet. Quand ils écoutent par Internet, ils écoutent ce qu'il y avait il y a 20 minutes. Mmh. Donc ils me parlent encore des pigeons voyageurs. Gérard, je voudrais demander à Tekel si c'est possible qu'elle me suce ma saucisse à quatre pattes. Va te faire foutre, toi, abruti. Ouais. C'est qui vient de dire ça? Jean-Luc. C'est qui vient de s'amuser à dire ça? Je vais le trouver, Gérard, continue. Et d'ailleurs... D'ailleurs, à la place de je sais plus trop qui, on accueille Thon à la Catalane. À la place de Carotte, alors. Voilà, exactement. Alors, vas-y, Thon. Oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir. C'est Griselda. Bon, tu as compris la. Pour draguer, servez-vous de votre regard comme moyen de communication pour toi, la question. Oui, ben en fait, je louche, alors tu vois, c'est pas très évident pour moi. Et il sur moi, c'est tout. Oh non. Oh, ça commence à... Vous laissez parler les gens ou pas? C'est gros ton qui vient de dire ça. Il n'arrivait pas à me faire jouiller. Non, mais vous êtes pas sympa parce que je louche et j'ai un grave problème. Hey, je sens que le prochain qui s'amuse à dire ça va dégager. Il jouissait pas. Si je jouais, je suis juste resté avec lui. Manu, quand ouais, on... je suis en train de les chercher. Oui, alors... J'ai des sous dans mon porte-monnaie. Donc, Gérard. Donc, Il y a Ertonio sur l'IRC qui te demande si on peut draguer avec le regard aussi bien que. Parce qu'il a des lunettes en fait. Il voulait savoir si c'est pareil que quand on n'a pas de lunettes. Ben, je pense, oui. Bah, donc... il montait sur moi, c'est tout. Et il manque plus que les doubles sons maintenant. Ben, quand vous aurez fini vos conneries, on pourra demander à Thon qu'à répondre. Je passe le bonjour à tous les égorgeurs d'Israël. Eh, hey, couscous. Couscous, ça suffit. C'est abusé. Eh, censuré, là. Oh là là, mais c'est quoi, là, ce bordel, là, Manu, là? Tu venais peut-être les calmer, mais je peux les calmer, tu es un par un, donc... Couscous, il a abusé, là. Ouais. Alors, Thon... moi, je te disais, je louche. J'ai un problème. J'ai des doubles foyers, donc tu vois, ça m'arrange pas, alors je vous demanderai un petit peu de pitié pour moi quand même. Mmh. Je te calme. En plus de ça, donc j'ai une sale gueule, donc il n'y a rien qui m'arrange. C'est clair. Et bah du coup, je sais pas quoi faire. D'accord. Et en plus, ton pote, il s'est fait virer de la sécu, alors c'est la top. Je sens que ça va jarcler. Ça y est. Alors, quel moyen de communication... quel est le moyen de communication quand on en a pas? Donc, Quel est le meilleur moyen? Voilà, de communication quand on en a pas. On va demander à 40 barres. La lettre ou la parole, je sais pas moi. Mm-hmm. Voilà, Gérard. Ou Rose? Ouais, je sais pas, je dirais un français correct. Ouais. Thomas? Il faut crier très fort. Dans quel sens? Il faut crier très fort. Si t'es aussi fort, je sais pas. Mm-hmm. Ok. Thomas, tu viens de répondre. Thon, je sais pas à quoi là. Thon à la Catalane. Ouais, bah moi je me sers du téléphone, au moins on me voit pas et puis on peut pas imaginer le monstre que je suis. Quoi. D'accord. J'aime bien ta voix, moi, gros. Un boudin, va. Oh, vous fermez vos gueules s'il vous plaît derrière, merci. Elle est moche. Ouais, sur IRC, il y a Arnette qui dit que quand on n'a pas de moyens de communication, on ferme sa gueule. Bah voilà. Tout à fait. Couscous. Le téléphone arabe, mais on raconte pas n'importe quoi, sinon on leur coupe les cordes vocales à coups de hachoir. Mais Couscous, tu réponds comme il faut à la question. Bah, je te dis quoi, le téléphone arbre. D'accord. Mets-moi le doigt. Mets-moi le doigt dans le caca. Ouais, viens t'asseoir sur mon sexe en érection. Bon, allez. Hop. Comme il est perdu, là, il répondra même pas. Allez, hop, c'est fini. Il dégage. Voilà. Allez, hop. Alors, il y a un petit sondage là pour ou contre les moyens de. Bon, Couscous, s'il te plaît, tu me laisses finir. D'accord, et je t'emmerde. Là, je crois que. C'est pas moi, Gérard. C'est quelqu'un qui se fait de m'imiter. C'est qui? C'est pas moi. C'est Chomoul. Ouais, mais restez quand même poli, s'il vous plaît, avec les gens qui vous emmerdent. Ah, okay. S'il vous plaît. C'est ta gêne. Faut pas qu'on tentaculer en cultacheur. Donc, pour ou contre les moyens de communication, il y a 60% qui n'ont pas le temps de répondre à la question. Mm-hmm. Il y a 30% des Français pensent pouvoir le faire eux-mêmes. Mm-hmm. Et 10% des Français qui estiment que ce n'est pas le thème du débat. Ben, je vois pas pourquoi que 10% disent que c'est pas le thème du débat. Alors que c'est le thème. le thème du débat. Bah ouais. Et il était sur moi, c'est tout. Oh là là. C'est comment merde. Franchement, moi... Alors, excuse-moi Gérard, quand même, à la place de mon doigt, ils sont le caca, machin, on accueille Gilles Coumoisi. Bonsoir. Bonsoir. Salut Gilles Coumoisi. Bonsoir, tu vas bien? Salut. Bonsoir à tous. Salut chatte pourrie. Alors donc, la question, donc, Carnbar, tu réponds s'il te plaît? Tu peux répéter s'il te plaît. Alors, quel est le meilleur moyen de communication quand on n'en a pas? Mais j'ai déjà répondu, j'ai dit la lettre ou la parole. Ah, c'est vrai, il avait déjà répondu. Ok, ouais, bah, je t'ai déjà répondu, tu suis rien à ton débat ou quoi? Mais attends, tu restes poli, toi, parce que t'avais même pas répondu. Mais non. Si je te dis un français correct, alors suis un peu ce qui se passe quand même, putain. Le roi des cons, ouais. Tomate. Je t'ai aussi répondu, Gérard. Ton à la... Je t'ai déjà répondu aussi, Gérard. Alors, couscous. Je t'ai déjà dit, téléphonera, putain, t'es sourd. Ah, t'as peut-être posé cette question-là, déjà, Gérard. Non, alors. Mais non, mais il y en a bien, ouais. J'ai le con moisi, là. J'ai le con moisi. Alors. Tu devrais le savoir. Non, pas de moyen de communication. D'accord. Je vis dans une grotte. Ok. Alors, huitième question. Les hommes utilisent-ils les animaux pour communiquer? Les hommes utilisent-ils les animaux pour communiquer? Ah bah t'es bien placé pour en répondre. Ouais, tout à fait, ouais. Attends, tu sais qui vient de parler comme ça, là? Retour à la catalane. Ah bah retour à la catalane, moi, tu peux... Moi, je dis que t'es fada et que le meilleur, c'est le temps, mon sopique, mais les hommes... Ouais, tu me viens, retour à la catalane, ça y apprendra de répondre des conneries. Okay. Mais Sardine à lui, là, à la place. Bienvenue chez les pizzas, avec la pepperoni. Alors, 40 bars. On va t'en faire de la colisse de bar. 40 bars, s'il te plaît, tu réponds comme il... Mais vous vous calmez un peu, là, maintenant? La pepperoni, là. Ouais, Christine en est l'exemple. 40 bars. Oui. Pour toi. Je suis d'accord. Ouais, je pense que oui, tout à fait, ouais. Je veux dire, ouais. Ouais. Ouros. Pardon, il est parti. C'était lui, les conneries. Ah bah c'est bien alors. Eh ben t'as bien fait ton boulot pour une fois Manu. Ouais. Gérard, sur l'IRC, il y a D-Light qui dit oui, on peut utiliser des animaux pour communiquer. La preuve, les dirigeants de Fun Radio utilisent bien Gérard pour communiquer avec les autres. N'importe quoi lui. Tomate. Ouais. J'ai connu un mec qui utilisait des puces savantes et des morpions. D'accord. À la place de ton à la catalane, pardon, on accueille Oasis. S'il n'y a pas de bulle dans Banga. Oasis, ok. Bonsoir Oasis. Elle veut planter ses mangas. Oasis, il y a personne qui va oser s'appeler Sildar là pour les chaussettes. je sens qu'on va conclure le débat ici. 4%, faut pas déconner. Oui. Oasis. Moi, si tu pourrais me répéter la question, parce que je viens d'arriver, donc. Les hommes utilisent-ils les animaux pour communiquer? C'est un excellent moyen de communication, de prendre par exemple un chien avec soi. Ça permet franchement j'aimerais te dire je t'aime avec un portable. J'aimerais te dire je t'aime avec un tatou. T'as la croix de l'oreille. Je voudrais te dire je t'aime, mais tu ne me réponds pas. C'est ce qui s'allume en vert, Manu. Bon. Ouais, Manu, il est nu ce soir. Alors, je sens que c'est... Non, mais ce qu'il faut faire, cœur, Gérard. Tu fous un coup de fouet à Manu, là, un truc. Ouais, non, mais ça va aller vite. Ça va être la dernière question. Parce que c'est pas forcément. Parce que ça y est, j'ai retrouvé quelqu'un. C'est pour ça que j'ai galéré. Ah ouais, d'accord. À la place de Ouros, on accueille Préparation H. Bonsoir, c'est Préparation H, Sagli. Préparation H. Oui, bonsoir à tous. Oui, aïe. Oui, tout à fait, oui. On se calme. Vous l'avez pas celui-là, aïe, c'est pas mal. Hein. Avec la chaise, là, le tabouret. Et puis le trou du cul qui saigne. Ouais, voilà. Non, mais quand vous aurez fini vos conneries, les gens, ils pourront peut-être répondre. Ouais, c'est vrai, il y en a qui veulent répondre et faire un débat sérieux. Alors, est-ce que vous l'avez, Strepsil? C'est qui demande ça? C'est Finger. Mais je sens que tout à l'heure, on va conclure, hein. Oui. Alors, Préparation H. Oui, ben je viens d'arriver, j'ai pas entendu la question. Alors, les hommes utilisent-ils des animaux pour communiquer? Les hommes, non, je crois que c'est interdit par la loi d'utiliser les animaux pour niquer, donc non. Pour communiquer? Que ça soit en communauté ou pas, c'est pareil, c'est interdit, c'est tout. Non, mais je crois que... mais discute pas, c'est tout, c'est la loi, enfin, la loi elle est appliquée, il faut se plier, c'est tout. Moi, je suis d'accord. Couscous. Non, Non, non, moi je suis pas d'accord. C'est impossible, on peut pas niquer dans la commune avec un dromadaire. Mais pas les animaux. Fais pas les animaux, t'égorges les moutons, salaud. Putain, t'en as qui sautent des sacochés. Vous allez énerver Couscous, s'arrêtez. Intégré. Eh Gérard, c'est pas parce que tu niques un facochère que tout le monde a le droit. Ça y est. C'est pour le pardon, Gérard. J'ai le coup moisi là. Ouais, moi je veux bien me sacrifier et m'appeler Fildar, tant qu'à faire. Non, c'est bon, ça va aller. Pour passer la pub des chaussettes qui puent. Non, ça va. Alors moi je peux vous dire une chose, que comme vous êtes en train de déconner, bah, le débat il s'arrête là. Oh donc non. On fait la conclusion. Oh non Gérard, encore une question. Non, encore une. Il est bien le débat. Regarde, ils sont tous gentils, n'est-ce pas les auditeurs, vous êtes gentils. C'est là pour pas prendre les gens pour des cons. Ouais c'est vrai. Non Manu, regarde. Alors, les transmissions de pensée est-il un moyen de communication en faisant l'amour? Et ce sera la dernière question. Est-ce que tu peux la répéter s'il te plaît? Alors, les transmissions de pensée est-il un moyen de communication en faisant l'amour? Manu. Quoi? Tu fais chier. Alors, 40 barres. Est-ce que, à ton avis, tu sais à quoi je pense, là? Non, eh bien, tu vas le dire. Un contentige. D'accord, eh bien, bonne nuit pour toi, 40 barres. Non, c'est bon, c'est terminé pour toi. Franchement, est-ce que tu as une réponse à donner sur la question, 40 barres? Les transmissions de pensée. Moi, je sais qu'avec ma copine, sans faire exprès, on dit beaucoup de choses semblables ensemble. C'est-à-dire avec ton meilleur pote, c'est ça? On a la même expression des fois ou des trucs comme ça quoi en faisant l'amour et tout, c'est bien. Vous faites quoi? Hein? C'est ah vas-y c'est bon. Préparation H. Je vais pas le dire celui-là. Oui ben moi je suis sûr que après l'amour comme tu disais toi et ta copine vous avez de la transmission de pensée et que vous avez envie d'une gamelle de friskies au même moment. Toi tu ferais mieux de faire des préparations pour con. Fildar, mets-nous un double son là. Ah, j'ai pas envie. Arrête, avec un peu le faux cul, là, ce soir. Ouais. J'ai pas besoin d'utiliser la pensée parce que je crie très fort, donc je pense qu'il entend assez. Je jouis très fort. Tu jouis très fort. Jouiez pas. Lui, jouit, ça dépend. Oasis. Fildar, mets les auditeurs en double. Moi, sexuellement, avec mon copain, ça se passe très bien. Ah, t'as un copain, toi? Ouais. Tant pis, Tony. Je crois que c'est bien dommage. On est au top au niveau transmission pensée et puis tout va bien quoi. On est exactement sur la même longueur d'onde. Moi je vais te transmettre, moi salope. Tu viens me trouver quand tu veux. Ton tampon il vient de tomber là. J'arrive. Plaquer des cas, on va pas le déterter. Vas-y Gérard, enchaîne. Non mais faudra peut-être qu'il se calme. Donc Oasis. Couscous. Ouais Gérard, c'est vrai que depuis que tu t'es fait enculer par une lampe torche, on t'appelle la luciole. Couscous, tu restes poli parce que sinon ça va mal finir pour toi. Ouais, tu vas gerber. Moi je suis d'accord avec Oasis. Gérard, je te... sous la console. J'ai le coup moisi. C'est clair. Ouais, la transmission de pensée, pourquoi pas. D'accord. Donc, tu vois, moi je peux vous dire une chose, que il y avait un truc que je voulais dire. C'est que pour les aveugles, le moyen de communication... Bon, tu les calmes, s'il te plaît, Manu. Merci. Et après, on fait la conclusion, comme ça va être terminé. Donc, pour les aveugles, c'est sûr que c'est pas évident pour eux de pouvoir communiquer. Et c'est maintenant, je crois qu'il y a des nouveaux trucs qu'ils font. Donc, on va demander la conclusion du débat à 40 barres. À moins qu'il y avait une question IRC, non? Oui, il y a Sandy, la pute, qui demande qui veut lui bouffer le cul, mais bon, c'était pas le thème du débat. Voilà, bon, donc, 40 barres, conclusion. Ouais, deux choses à dire. Déjà, tu t'es fait griller parce que 40 barres, en fait, c'était 40 barres. Et deuxièmement, toutes les expressions de Christine, c'était moi. Donc, j'ai pris le plaisir. Voilà. Ok, ben. La semaine prochaine, Gérard. C'est ça, ben, tu repasseras pas la semaine prochaine pour toi. Montez sur moi. C'est ça. Ok, ben, tu repasseras pas la semaine prochaine pour toi. Préparation H. Ouais, alors, deux choses aussi. La première, c'est que je te mets un fulgurant, je pense. Et la deuxième, c'est que tu t'es trompé, tu l'as appelé j'ai le cou moisi au lieu de j'ai le con moisi, et on savait déjà que t'avais le cou moisi, c'est clair. D'accord, Thomas. Encule ton kiff. Ouais, bah ouais, c'est comme d'habitude, toujours aussi nul, toujours aussi à chier, toujours aussi. Toujours aussi Gérard, quoi. Eh ben, dans ces cas-là, Thomas, c'est simple, tu allais bouffer tes tomates, comme ça tu nous emmerderas plus pour nous dire des conneries. Bravo Gérard, Oasis, ça a bien calmé. Ouais, et ben moi j'ai trouvé que le thème du débat, il était franchement très très intéressant. Ouais. C'était vraiment bien, mais c'est dommage que ce soit toi qui l'a présenté. Ah mince. Pourquoi? Ça partait bien. Pourquoi? Bah parce que t'es toujours aussi catastrophique et rien ne change, quoi. Bah dans ce cas-là, tu fais pareil, tu vas boire ton Oasis. Ouais. Bravo. Couscous. Ouais, bah le débat, il était pas trop mal. Bon, il y avait un petit peu de bordel dans la maison, mais sinon t'es... c'est toujours de la merde, mais bon, c'est ouais, mais de toute manière, allez, couscous, non, n'empêche, on aime bien t'avoir dans, j'aime bien t'avoir dans, quand même dans les débats. Tu le sais bien, on rigole bien avec toi. Ah, d'accord, je te réserverai une petite égorgerie de... c'est ça. Ok, allez, bonne soirée à toi, couscous. J'ai le coup moisi pour finir. Il jouillait pas. Bah oui, je sais, on sait tout ça. Ouais, moi, je voulais seulement dire, enfin, je voulais seulement te demander si je pouvais avoir la grosse vilaine au standard après. La grosse vilaine, c'est qui? C'est laquelle? C'est quel mystère? Non, tu vois, tu l'auras pas. Donc, voilà, donc, c'est tout, c'était ta conclusion. Ah bah ouais. Eh bah, c'est bien. Je te souhaite une bonne nuit aussi. Eh bah, moi aussi. Je kiffe, l'Ascar. Ouais, ben, moi, je veux pas, moi. Ok. Ah, donc, c'est dommage qu'il y ait eu des petits. Petite conclusion de l'IRC, quand même, avant de finir, de Yankee. Quand on se balade avec un Tekelborn et qu'on n'a pas d'amis, on fait pas des débats sur la communication. Gérard, c'est une pute. Non, on va pas dire ça quand même, c'est pas gentil. Et, c'est apparemment, il y a que des trucs méchants. Et on était combien quand même là? On est remonté à combien? Là, on est quand même remonté à 3867. Combien? 3867. C'est le record, non? Je sais pas. Bah si, c'est le record, 3857. Ouais, je crois que la dernière fois, on avait fait 3400. Là, donc là, à mon avis, on a battu le record. Ouais. Ah bah, on aura les sondages. Ça fait plaisir, hein, bravo. Bravo, ouais. Bravo. On aurait peut-être été un peu plus s'il n'y avait pas eu le problème avec Manu au standard. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que Manu, semaine, t'as fait chier le monde. Ouais, mais toi aussi, t'as quand même fait un peu ta merde. Donc, ça fait quand même un peu ta merde aussi, toi. Faut pas l'oublier. Donc, voilà. Ouais, Rigo, pour finir. Non, rien, j'attendais une félicitation de papa. Non, mais c'est bien, de toute manière, il a bien bossé, Rigo. Il y a que lui qui bosse bien en ce moment, alors. C'est bizarre quand même. Ouais, non, mais ça cache quelque chose. Il y a que lui qui bosse comme il faut. J'ai remarqué aussi. Parce que lui, on ne l'entend pas. Quel plaisir de te retrouver, en tout cas. Donc, pour moi, la conclusion des moyens de communication, dommage que ça foirait. Mais sinon, je pense que dans l'ensemble, c'était pas... Bah écoute, je crois que tous les records ont été battus. Bravo. Un fil d'art, tu continues, ça se voit que c'est terminé. Non, mais c'est moi pour toi, fil d'art. Tout ça, la semaine prochaine, on trouvera peut-être quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai l'impression, parce que là, le double son, j'aime pas trop. Par contre, je voulais signaler... que celui qui s'amuse à envoyer un truc bidon sur l'IRC en mettant avec 10 poules. Oui. Donc c'est faux. C'est... Voilà. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Vous allez retrouver Rousseau. Oh ! Pour la nuit sans pub. Et demain 6h, 9h, Bart. Voilà. Et puis Max à partir de 22h. Arrête. Tu vas prendre une gaufre avant la fin, toi. Et vous allez retrouver Max à partir de 22h. Avec plein de surprises d'ailleurs. Il y aura des surprises pour les. Déjà, il y aura Jean de Debert, puis il y aura plein de petites surprises, peut-être. Non, mais pas par rapport à toi, mais des trucs nouveaux. Mmh. Voilà. Et moi, je me retrouverai la semaine prochaine, si tout va bien. Voilà, tout va bien alors. Et je voulais faire un petit cadeau, je voulais me faire plaisir, parce que tu as 10 minutes avant de reprendre le programme officiel de l'antenne, ce qui est une compilation qui s'appelle F Communication, label français. Hein. Ils ont sorti des compilations musique pour plantes vertes. Ils avaient également sorti déjà une compilation Megasoft Office 97. Ils viennent de sortir la compile 98, avec dedans Nova Nova, LGA, Frédéric Galliano, Ready Made. Bien. Que les artistes français, enfin compte avec des noms un peu étrangers. Et là, sauf un ou deux. Hein. Et là, on va écouter Aqua Bassino, s'appelle The Melody. Voilà.